Ton réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Comment, 6 heures ? Bonjour, ravi de vous retrouver en ce lundi 5 octobre. Un autre jour est possible, votre réveil culturel, c'est une tête chercheuse par semaine qui partage son savoir, sa passion, 5 jours, 5 épisodes. Et en deuxième partie, chaque jour, un invité de l'actualité culturelle. On a beaucoup parlé de Montaigne sur France Culture ces derniers temps, et pourtant, notre tête chercheuse voit dans cet enthousiasme un chant du cygne qui préfigure un prochain manque d'intérêt. Toute cette semaine, le romancier et essayiste Jean-Michel Delaconté nous propose de relire Montaigne pour continuer à le conjuguer au présent. Et en deuxième partie, l'actualité culturelle donc. Aujourd'hui, l'écrivain Charles Danting, demain théâtre avec Michel Vinaver, mercredi cinéma avec le réalisateur Philippe Faucon, jeudi littérature avec Hafid Agoun et vendredi, pour l'actualité de la bande dessinée, Cyril Pedrosa pour l'excellent album édité chez Dupuis, Les Équinoxes. Un autre jour est possible, c'est tous les matins au réveil à la radio, quand vous voulez, en passant par le podcast de l'émission disponible sur franceculture.fr. Émission préparée avec Marie Dalquier, réalisée par Thomas Duterre avec la complicité technique aujourd'hui de Cédric Chaclus. Tête chercheuse, c'est parti. Montaigne, l'auteur introuvable, une série avec l'écrivain et essayiste Jean-Michel Delaconté. Bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui, premier épisode, je devrais dire premier chapitre, l'éternel recommencement. Pourquoi à chaque fois on revient à Montaigne, 5 siècles ou presque après sa mort, cet éternel recommencement, comme si c'était une source, Montaigne? Alors c'est une source... Oui, de toute évidence. C'est une source. D'abord, c'est un de nos penseurs majeurs. Et la pensée qu'il met en œuvre, tout particulièrement dans les essais, c'est la pensée de l'homme. Qu'est-ce que l'homme ? Or, il est au cœur même de ce qu'on appelle l'humanisme. Et cet humanisme n'est pas du tout une notion ou un concept qui serait clos. C'est une incessante interrogation. Et Montaigne, de ce point de vue-là, je crois, représente tout à fait cette interrogation continue, infinie, et qui est consubstantielle aux essais eux-mêmes, au fait même d'écrire des essais tels qu'il les concevait, lui, Montaigne. Donc, il y a chez lui quelque chose, par nature, je dirais, d'inépuisable. Et d'ailleurs, c'est tout à fait extraordinaire de voir que, depuis quelques années, c'est l'auteur qui est en France, l'auteur français, le plus étudié, depuis qu'il a fait paraître les essais. C'est extraordinaire, cette ferveur autour de lui, et cet intérêt en tout cas. C'est donc extraordinaire de voir que ces dernières années, il a fait l'objet de nombreux livres. Cette passion autour de Montaigne dit par elle-même à quel point il est, si j'ose dire, incessant en nous, dans notre culture. Vous parlez des ouvrages... Je voudrais signaler le vôtre, Jean-Michel Delaconté, édité chez Fayard, avec un drôle de titre, Adieu Montaigne. Ben oui. C'est à contre-courant de ce que vous pensez, de ce que vous venez de dire, bien sûr. D'abord, c'est l'objet d'une inquiétude. C'est l'objet d'une inquiétude pour la raison assez simple, c'est que justement, comme on vient de le dire, depuis plusieurs années, il fait l'objet les essais d'abord de réédition fréquente, d'ouvrages importants et en tout cas très vifs, très réussis et qui ont beaucoup de succès. Et en même temps, moi il me semble que, et je crains plus exactement, qu'il ne s'agisse d'un chant du cygne. C'est pour ça qu'il y a dans ce titre Adieu Montaigne, c'est le signe d'inquiétude, mais c'est aussi malgré tout l'espérance, c'est pour ça qu'on écrit d'ailleurs, l'espérance que cet adieu ne soit pas un adieu, mais je trouve que Montaigne aujourd'hui est en danger. Pourquoi ? Parce qu'on ne l'étudie plus, tout simplement. on n'étudie quasiment plus au lycée, au collège, je n'en parle même pas, et on ne l'étudie pas beaucoup à l'université. Pourquoi ? Parce que c'est difficile, dit-on, sa langue et sa pensée. On en discutera peut-être, mais c'est un aspect, si vous voulez, de la question important à savoir. Montaigne aujourd'hui ne fait plus l'objet d'études dans le système académique dans son ensemble. Aujourd'hui, Jean-Michel de la Comté, vu les problèmes de l'heure, les interrogations du futur, en quoi Montaigne peut nous aider ? C'est une question très difficile dans la mesure où on a tendance à prendre Montaigne comme, si j'ose dire, une littérature de confort, comme celui qui saurait nous indiquer la voie. Alors qu'il a posé les bonnes questions. Absolument. Il pose les questions, il n'a pas les réponses. Il a des réponses, mais qui sont toujours battues en brèche ou contestées à tout le moins. Déjà, le lire, c'est s'efforcer soi-même de chercher en soi ou en nous-mêmes la bonne mesure. Et cet effort-là, je crois que c'est tout à fait essentiel pour arriver à se débrouiller à peu près avec nous-mêmes. Les autres forment l'homme, je le récite, et en représente un particulier, bien mal formé, et lequel, si j'avais à façonner de nouveau, je ferais vraiment bien autre qu'il n'est. Mais oui, c'est fait. Or, les traits de ma peinture ne fourvoient point, quoiqu'ils se changent et diversifient. Le monde n'est qu'une branloire pérenne. Toute chose y branle sans cesse. La terre, les rochers du Caucase, les pyramides d'Égypte, et du branle public et du leur. La constance même n'est autre chose qu'un branle plus languissant. Je ne puis assurer mon objet. Il va trouble et chancelant d'une ivresse naturelle. Je le prends en ce point, comme il est, en l'instant que je m'amuse à lui. Montaigne, c'est un repère pour nous, les Français, pour la culture occidentale, ou c'est un repère universel pour tous les hommes ? Ah, à mes yeux, c'est un repère universel. Et je crois d'ailleurs que, enfin, je suis même sûr. J'hésite légèrement. Est-ce qu'il était, lui, Montaigne, dans la perspective d'écrire pour l'univers ? Je n'en suis pas sûr. L'univers était un peu étroit pour lui à l'époque. Oui, au XVIe siècle. Au XVIe siècle. Hein. Mais aujourd'hui, il est tout à fait évident, me semble-t-il. Est-ce qu'il était aussi lu ou respecté ailleurs que dans notre sphère, Jean-Michel de la Comté ? À ma connaissance, fort peu. Je dirais, c'est essentiellement un pur lectorat français pour l'essentiel. Bon, il n'y a pas eu de traduction latine à ma connaissance. Prenons quelqu'un comme Ambroise Paré, je fais une simple incise. Il a écrit ce prodigieux, qui est un autre grand personnage du XVIe siècle. Il a écrit ses œuvres complètes en français. Il ne connaissait pas le latin. Elles ont été immédiatement traduites en latin pour que l'Europe les connaisse. À ma connaissance, ce n'est pas le cas des essais. Donc je pense qu'il a un public essentiellement francophone, si je puis dire, donc français pour l'époque. Mais alors, pourquoi lire encore Montaigne aujourd'hui, puisqu'il ne s'adresse pas à ce monde globalisé qui nous concerne aujourd'hui, Jean-Michel de la Comté ? Les raisons de le lire sont diverses, mais je voudrais, si vous me permettez, je vais lire quelques lignes d'une communication qui a eu lieu en 1961. Il s'agit d'une communication concernant les catalogues des livres de Montaigne dans les bibliothèques privées au XVIIIe siècle. Ouais, comment les classer ? Comment les classer, ces catalogues ? Ils nous montrent d'abord que beaucoup de lecteurs du XVIIIe siècle ne savaient pas trop dans quelle catégorie d'auteurs classer Montaigne. La place de la théologie naturelle et du journal de voyage en Italie est toute trouvée. Toujours la même, mais celle des essais est très variable. Ils sont rangés sous les titres suivants, latin ou français, philosophie, philosophie morale, histoire, belles lettres, philologie, polygraphe, c'est-à-dire qu'ils traitent de plusieurs sujets. Ceux qui ont dressé ces listes ne sont pas des illettrés, ils travaillent souvent pour les grands éditeurs de Paris. C'est le signe que chacun voyait Montaigne à sa manière et que l'on ne reconnaissait pas encore unanimement ce qui nous paraît son principal mérite. Et c'est justement ça la question. Quel est son principal mérite, au fond ? C'est la question que vous me posiez, je crois. philosophe, penseur, écrivain? Alors, écrivain, il apparaît pas comme tel. Philosophe, oui, tout à fait. Philologue, c'est étrange. Enfin, celui qui aime au fond la langue, quoi. Ouais. Les belles lettres, on le comprend, c'est peut-être aussi la présence du latin, une certaine, un certain rapport à l'écrit. Histoire, c'est vrai qu'il raconte beaucoup d'histoires, beaucoup d'anecdotes, mais... Et donc, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on n'arrive pas à le placer, à le ranger. Mais aujourd'hui, moi non plus, j'arrive pas à le ranger. Je sais pas où il est. Enfin, j'ai une réponse, mais j'arrive pas très bien. Qu'est-ce qu'on dit de lui, généralement? Philosophe, ce qu'il est. Penseur, indiscutablement. Quels autres termes on pourrait employer à son sujet? Généralement, on dit le philosophe. Moi, je crois qu'il est tout simplement écrivain. Tout bonnement. Voilà. On peut dire aussi bien, bien sûr, essayiste. Enfin, il n'y a aucune antinomie entre l'essayiste et l'écrivain. Je crois qu'il est, dans l'acception la plus large et à mon avis la plus noble du terme, c'est un écrivain. Merci Jean-Michel de la Comté. On se retrouve demain pour un second chapitre consacré à Montaigne. Et demain, on parlera de la famille et de l'amour. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. Et mon invité ce matin, Charles Dantzig, bonjour. Bonjour. Avant de parler de votre dernier livre, peut-être un mot sur Montaigne. Est-ce qu'il a une petite place dans votre bibliothèque, dans votre cœur, dans votre présent? Il a une plus grande place dans ma bibliothèque que dans mon cœur, parce que son tempérament n'est pas tout à fait le mien, mais il a une chose qui est très importante et relativement en plus à ça, au roman que je publie, c'est que vous savez, il y a un des essais de Montaigne où il raconte que un jeune homme dans sa jeunesse avait transporté un veau sur ses épaules pour aller le porter quelque part et qu'à la fin de sa vie, il se trouvait avec un bœuf sur les épaules continuant à le porter. Eh bien, ça, c'est une grande chose parce que ça veut dire qu'on s'habitue beaucoup à la coutume et la coutume est une chose à laquelle je m'oppose comme beaucoup de gens. Mais enfin, il y en a qui trouvent ça très bien. Je trouve que la coutume est dangereuse parce que c'est une habitude de ne pas penser. Je crois que la littérature est contre ça. En réalité, la littérature est un objet contre la coutume. Histoire de l'amour et de la haine, c'est donc votre dernier roman, édité chez Grasset. Un roman qui célèbre à sa manière le mariage de la fiction et de l'essai. Avec des fragments rangés par chapitre, par liste, mais il y a un récit fictionnel qui commence avec les premières manifestations contre le mariage pour tous et qui s'achève avec les dernières mobilisations, toujours contre le mariage pour tous, mobilisation qui avait redoublé de férocité, pour ne pas dire violente, et qu'on n'oublie pas puisque c'était hier. C'était il y a à peine 2 ans. Alors, comment cet événement historique, car c'en est un, même s'il est bon de rappeler que la France n'est pas le premier pays, loin de là, à même dans le monde occidental, à avoir légalisé le mariage pour les personnes du même sexe, comment cet événement socio-médiatique va-t-il traverser la vie de sept personnages? Son faux personnage, Charles Dantzig, un député ultra-réac, à peine fictif d'ailleurs, qui court des plateaux télé pour critiquer le projet de loi, car la France, dit-il, a besoin d'enfants et pas de homosexuel. Son fils Ferdinand est un jeune étudiant en lettres qui découvre en même temps son homosexualité. Et puis il y a aussi Pierre, un écrivain célèbre mais en panne d'inspiration qui tente d'aimer une de ses lectrices. Un couple gay et branché et leur amie, une jeune et jolie femme, Anne. Alors tous les personnages vivent en direct les événements, les digèrent ou pas à leur manière. Peut-on dire la même chose de vous, Charles Dantzig? Qu'est-ce que ce livre a été écrit ou est-ce que vous avez commencé à écrire ce livre pendant les débats houleux, les marches hostiles contre ce qu'on a appelé pudiquement le mariage pour tous? Non, il est en réalité le produit de plusieurs projets que j'ai abandonnés et qui se sont transformés en ça au moment même des manifestations, trouvant que le niveau d'indécence était dépassé. J'avais écrit une tribune dans Le Monde. C'était la première fois que je faisais ça parce que je pensais que de temps en temps, le fait d'avoir une parole ou une légitimité littéraire permet de dire d'autres choses. Parce qu'il y a parfois des pétitionnaires habituels et qu'on a l'habitude de voir pétitionner, dont la puissance de feu, si je puis dire, diminue. Et je me dis qu'un écrivain, de temps en temps, précisément parce qu'il sort de son domaine, peut porter davantage, nous avons tous appris ça, de Voltaire et de Zola. Après, pour la question de l'événement en soi, vous savez, je suis comme Lucrèce son livre sur la nature, il dit que les événements n'existent pas. Et je crois qu'il a raison, un événement, ça n'existe pas. Qui a vu un événement? Est-ce que ça a un costume trois pièces, une robe écossaise? À quoi ça ressemble? Un événement, c'est une chose qui est nommée comme ça. Un événement, c'est juste un concours d'éléments concurrentiels, de passion, de gestes, de paroles, mais en soi, ça n'existe pas. Il se trouve que de temps en temps, cette somme d'actions, de gestes et de paroles monte, se coagule, et parfois aussi avec l'aide d'une idéologie qui est au travail depuis longtemps, pour créer quelque chose, pour tenter de créer quelque chose. Et donc, ça crée dans les sociétés et dans les villes des effets de bourrasque, des effets moutonnants, des effets qui ont des conséquences sur nos vies. Et c'est ça que j'ai voulu essayer de montrer, comment cette espèce de chose qu'on pourrait appeler un événement qui était ces manifestations, ont réagi sur nos vies, car je crois qu'elles ont réagi sur les vies de tout le monde, pas seulement les gays, et qu'elles ont laissé des traces de violence dans cette ville, dans Paris et dans ce pays qu'est la France, qui continue. Et pourtant, dans votre écriture, Charles Dantzig, il n'y a pas de colère. Il y a une manière de reculer pour mieux voir les choses, pour mieux les dénoncer, mais sans sombrer dans la polémique. Ce n'est pas un contre-discours à celui qu'on a pu entendre pendant ces manifestations, par exemple. Ah non, car je crois que le contre et le pour. Le contre est la même chose que le pour, et c'est pourquoi je pense que les réactionnaires ont toujours perdu, car ils s'imaginent être très indépendants d'esprit. Or, au contraire, ils sont tout le contraire. Ils sont vissés, liés et menottés à la pensée qu'ils contestent. Donc, le contre et le pour, et le contre, à la fin, sert le pour. Donc, c'est pas du tout un contre-discours, en effet. De colère, il n'y a pas, j'espère pas. Il y a peut-être de la rage ou des moments d'indignation, mais la colère est très, très dangereuse. Vous savez que la première épopée de l'Occident qui est l'Iliade commence par le mot colère. L'Iliade commence par le mot colère. En français, nous l'avons traduit différemment. C'est je chante la colère d'Achille, la traduction française, mais le mot grec est ménis. Le premier mot qui ouvre en grec l'Iliade, c'est ménis, c'est colère. Et c'est assez fort d'ailleurs. Et qu'est-ce que la colère d'Achille? Qu'est-ce que c'était qu'Achille sinon un trépigneur coléreux? Et la colère casse tout. Donc je ne suis pas non plus pour la colère. Et d'ailleurs, pardon Toufik, mais ouais, la dernière manifestation et la plus ignoble qui a eu lieu s'appelait la manif de la colère. Et c'était cette manif où on voyait une étrange association de gens qui se haïssaient, de catholiques intégristes, de musulmans intégristes, de fachos crâne rasé en barbour, qui s'entendaient soudainement pour défiler et avec des slogans atroces. Il y avait suffisamment de matière pour écrire un livre juste en décrivant ces phénomènes, ces foules, ces discours, mais vous avez décidé de passer aussi par la fiction. Pourquoi ce choix? Parce que la fiction montre mieux les choses que ce qu'on appelle la réalité. Je crois que le roman, tout roman est un symbole. Il y a un ordre symbolique dans le roman et dans les personnages du roman qui fait qu'il condense des choses que ne montre pas. C'est pour ça que je m'oppose aussi souvent au réalisme, car le réalisme est un recopiège de la réalité. La réalité est une chose morcelée, incomplète, qui ne veut pas révéler ce qu'elle est. La réalité est précisément dangereuse. Et puis d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que la réalité? Chacun a la sienne. On sait aussi que la réalité est une forme d'injonction terroriste. Et pourtant, Histoire de l'amour et de la haine, c'est pas seulement un roman. Mais si, c'est seulement un roman. Qu'est-ce que c'est que cette idée? Qu'un roman devrait être nécessairement au passé simple, ou bien avec un narrateur objectif, ou bien, et qui raconterait une aventure qui se déroulerait de manière temporelle et linéaire. Je crois que les romans... Mais entendez-moi bien, cher Dantzig, pour les gens qui nous écoutent et qui n'ont pas lu votre livre, ils doivent imaginer que c'est un roman choral avec de la fiction sur fond historique réel. Non, non, non, c'est pas le cas. Non, non, mais merci de le préciser, ce n'est pas ça. C'est un roman qui se présente comme un manuel, rangé par thème, le sexe, l'amour, les cheveux, les chaussures, les taxis, etc. et qui est vraiment présenté comme un manuel. Et chaque chapitre est divisé en deux parties. La première partie étant de la fiction où on suit les personnages, et la deuxième partie étant des parties d'essais, de réflexions sur le thème principal, mais où on retrouve aussi de la fiction pour pas perdre la matière du roman. Recenser les détails, même les plus futiles en apparence, dresser des listes, comme on dresse des constats, questionner les petites anecdotes, repenser les grandes théories, s'éloigner du sujet pour mieux le voir, c'est ce que vous faites avec Histoire de l'amour et de la haine. Vous poursuivez donc votre encyclopédie. Est-ce pour inscrire le temps présent dans l'histoire de tous les temps que vous faites ça, Charles Danzig, livre après livre? Je voudrais d'abord, si vous permettez, dire une chose très brièvement. Je crois qu'il n'y a pas de détails. Les détails n'existent pas. On appelle détails des choses qui sont essentielles et symboliques aussi. Et après, le temps présent, naturellement, oui, car je trouve que ce que j'ai cherché en partie à faire dans ce livre, c'est précisément inscrire un moment par la littérature. Car la littérature, c'est du marbre, vous savez, ça conserve des événements présents qui, sans cela, disparaissent. Nous conservons le souvenir de la Révolution de 1848 beaucoup mieux parce que nous avons l'éducation sentimentale de Flaubert. Nous avons un souvenir beaucoup plus vague de la Révolution de 1830 parce qu'il n'y a pas de roman de la Révolution de 1830. Il y a des moments entiers du présent et pourtant des moments tapageurs qu'on laisse aux historiens. Or, je pense que les historiens sont des créateurs de fictions mensongères qui répètent des choses, et en général tous la même chose et de la même façon. J'exagère un peu en disant ça, mais enfin, ils ont tous les mêmes points de vue sur les mêmes choses et ont tendance à nous expliquer, c'est ce qui a assez indigné Tolstoï pour qu'il écrive « Guerre et paix », nous expliquer les choses selon la loi de l'homme providentiel et des hommes politiques qui peuvent décider de tout. Et ça, c'est mensonger. On voit bien que l'histoire, de ce point de vue-là, est une fiction plus mensongère que la vraie fiction. Je pense que les personnages de fiction, étant des symboles, permettent de mieux cristalliser la compréhension d'un moment. Histoire de l'amour et de la haine de Charles Danzig et un coup de cœur partagé avec Transfuge. Auriane Jeancourt, bonjour. Bonjour Toufik. Alors ça y est, il fait la couverture de votre magazine, Charles Danzig. Oui, oui, oui, absolument, avec cette phrase qu'on a adorée, qu'il nous a donné en entretien, qui est « J'ai écrit ce livre contre les fachos en barbours ». Alors pardon pour ceux qui aiment les barbours, mais elle est quand même très très bonne cette phrase-là, bravo. Donc, non, c'est un livre qu'on a beaucoup aimé. Et je vous entendais parler de colère. C'est vrai qu'il n'y a pas de colère dans ce livre, mais il y a autre chose, il y a un combat. Et moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé dans ce livre-là. On suit l'œuvre de Charles Danzig depuis longtemps, c'est la deuxième fois qu'il est en couverture. Mais là, il y a un courage dans ce livre. Alors évidemment, à la manière de Charles Danzig, c'est-à-dire que vous l'avez dit, c'est histoire de l'amour et de la haine, il y a beaucoup de plaisir, il y a des citations, il y a des chemins de traverse. Enfin, c'est un roman du début du 21e siècle, donc c'est un roman qui réfléchit sur lui-même, qui s'interroge sur lui-même. Sans arrêt, c'est sûr. Mais c'est tout de même un roman de combat. Comme Lolita de Nabokov était aussi, à mon sens, un roman de combat. C'est-à-dire qu'il y a eu un courage à l'écrire. Il y a un courage dans certaines pages. Lorsque vous faites le portrait d'un homophobe et que vous rappelez qu'il est au cœur des médias, au cœur des sociétés, c'est quand même assez gonflé. Ça peut être assez désagréable pour les Français de lire ça. Et pourtant, on l'a vu en 2013. Il y a un courage lorsque vous énumérez les victimes de l'homophobie, qui sont aussi des victimes contemporaines. Enfin, je trouve que même dans des pages extrêmement drôles comme il y en a, il y a un courage permanent. Éditeur, écrivain, directeur de revue, vous produisez aussi une émission culturelle le dimanche soir sur France Culture, Charles Danzig, Secret professionnel à 20h30. S'il fallait parler de votre relation au livre, par exemple, prenons un cadeau que vous voulez faire à un ami. Comment vous faites pour choisir un livre à offrir ? J'ai en général deux livres que j'offre systématiquement parce que ce sont des livres qui ne sont pas nécessairement très connus et que je pense qu'il faut toujours offrir des trésors aux gens, que ça leur aille ou pas. On peut difficilement savoir ce qui convient à quelqu'un. Quel que soit le dessinateur. Oui, et ces deux livres sont très régulièrement le roman de Valérie Larbaud qui s'appelle Fermina Marquez, qui est pour moi un chef-d'œuvre, qui est un roman des années 20, un roman de collège, ça a l'air tout plat de dire ça, mais qui écrase et de loin le grand môle, qui est un monument de la langue française. On n'a pas parlé aussi souplement le français depuis La Fontaine que dans ce roman de Valérie Larbaud, qui est vraiment une merveille. C'est 120 pages chez Folio, 6 euros que vos auditeurs se précipitent. Toufik est l'autre livre qui est un peu plus difficile à trouver et qui est un des chefs-d'œuvre de la littérature du 19e siècle. Pour moi, sont Les moralités légendaires de Jules Laforgue. D'abord, Jules Laforgue était un grand poète. C'est celui qui a le premier traduit Walt Whitman en France. Il a été le premier à faire du vers littéraire libre en France. Il a inventé un système de ponctuation que lui a volé l'ignoble Louis-Ferdinand Céline en prétendant après que c'était lui qui l'avait inventé. Et il y a, c'est une série de contes, de nouvelles, les moralités légendaires, où il réinterprète de manière, avec une fantaisie merveilleuse, des grands personnages de la littérature, comme Hamlet, par exemple. Et puis, voyons voir votre humeur ce matin, cher Danzig. Choisissez trois questions parmi la douzaine proposée à tous les invités d'un autre jour est possible. Trois questions. Alors, c'est comme les carambars, c'est ça? Ah, exactement. C'est comme les carambars. Est-ce que vous chantez? Je chante. Je chante, j'aime bien chanter, c'est au grand désespoir de mes amis. Je chante singulièrement en voiture et en vacances. Et mais qu'est-ce que vous chantez? Je chante un peu de tout. Je peux chanter de l'opéra, je peux chanter une vieille chanson de mystère. J'ai un répertoire, que les gens ne savent peut-être pas ça, mais j'ai un répertoire de chansons assez varié. Je connais les Beatles par cœur, Miss Tinguette par cœur, l'opéra beaucoup, et mes amis s'en désolent, parce que je ne chante pas très juste. Deuxième question. Dans quel tableau célèbre aimeriez-vous vous projeter? J'aimerais bien me projeter dans un tableau qui ressemble peut-être à ce que j'écris. Je m'en suis rendu compte au moment de la réouverture du musée Picasso récemment à Paris, que dirige Laurent Lebon. Et j'ai revu là, en ayant oublié qu'il était là, un tableau de Picasso qui est un tableau qui montre des tableaux, qui est un tableau de collage de tableaux. Et je me suis rappelé qu'adolescent, j'avais acheté la carte postale de ce tableau qui m'avait toujours fasciné. Et j'ai un peu tendance à me dire que j'écris, toute révérence gardée, des livres un peu comme Picasso a peint ce tableau, parce que mes romans sont aussi des romans sur le roman, etc. etc. Enfin, donc voici ce tableau. Et la dernière question. Est-ce que vous dansez? Je danse. Et quoi? Je danse, je réponds oui à tout. Et je danse tout. Vous savez, je trouve que je danse parce que ça m'amuse quand il y a des soirées avec des amis. Et je peux tout à fait danser. Et il y a une phrase de Fontenelle. Est-ce que c'est Fontenelle? Il me semble que c'est Fontenelle qui le dit. Ils ôtent de l'histoire que Voltaire ait dansé. Qui est une grande phrase, vous savez, car Voltaire adorait danser et on oublie ça. On projette l'idée que les écrivains sont des gens tellement graves et sérieux qu'ils n'ont pas de corps et de vie. Eh bien, Voltaire a dansé. Je trouvais ça, c'est un élément très important de sa vie, je trouve. Et donc, je danse aussi et je trouve que c'est très bien et ça ne nuit. Vous savez, ça vient aussi du fait des écrivains eux-mêmes qui sont parfois un peu pédants et camponctueux et qui veulent projeter de leur vivant l'idée qu'ils sont des statues. Ils oublient qu'ils sont des corps. C'est un livre qui danse, qui fait danser, qui chante et qui fait chanter. Et pourtant, c'est un livre de combat, comme vient de le souligner Oriane Jeancourt. Merci d'être venu, Charles Danzig, ce matin. Vous êtes en excellente forme. Je vous recommande de lire son dernier roman, Histoire de l'amour et de la haine. Merci beaucoup. Merci Toufik. Merci Oriane. Merci Toufik. Demain, suite de notre série consacrée à Montaigne, en compagnie de Jean-Michel Delacomté, où il sera question de la famille et de l'amour. Et en deuxième partie, je serai avec Michel Villeneuve. Merci de vous réveiller avec France Culture. Bonne matinée, à demain. C'était Un autre jour est possible, votre réveil culturel, tous les jours de la semaine de 6h à 6h30, et quand vous voulez en passant par l'écoute en ligne, ou le podcast disponible sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook et Twitter. Un autre jour est possible, une émission de Toufik Hakem, préparée avec Marie Dalquier et Pascaline Bonnet, réalisée par Thomas Duterre.